A, B, C, D. Identique. S, E, Y, K, O, O. A comme animal, parce qu'on a tous la rage. B comme bandit, parce que ça me fait croire trop à Paris. C comme constamment occupé avec ma pute à me faire sucer. Non, je rigole, je suis devant ma feuille en train de taffer. D comme désert, parce que je peux pas écrire à Jean. D comme deuxième pute, parce que ce son me fait kiffer. E comme élevé, parce qu'ils ont fait ça bien. S comme foot, quand on allait au terrain de guerre. Je passe le G pour passer au H pour dire handek. I comme Élysée, dans mes pensées, tu peux pas lire. J comme le joint que j'ai fumé hier après-midi. K comme Kalash, naturellement armé. Bah ouais, jusqu'au bout, nous on sait se défouler. L comme lourd dans tes oreilles quand t'entends son. Le M c'est pour méchant parce que tout me saoule. L comme naturel, toujours au taquet. O comme otage parce que le rap je l'ai embarqué. P comme papa, un mot que j'oublie pas. Malgré tous les coups hauts, oh, y'a eu beaucoup de coups bas. Y'a pas de cul parce que l'école nous a trahis. On a appris l'alphabet en commençant par 9 de easy. R comme rageux, y'en a trop qui rêveraient d'être à ma place. Le S c'est pour la dernière lettre de Kierik à l'éclipse. T comme Tyson, le rap n'a plus d'oreilles. Heureusement tu l'aurais tué avec ton son de merde. U comme universel, parce que ces coexistent depuis des siècles. À quoi sert le V, le W et le X? Passons direct au Z parce que j'en représentais ma zone. Passons direct au Z parce que j'en représentais ma zone. LSD. Passons direct au Z parce que j'en représentais ma zone. A, B, C, E, D, E. S, E, Y, K, O. Certifié authentique. J'espère que t'as kiffé mon sauce.